Vas-y, remets le truc. T'as raison, c'est mieux ça. Je suis rentré d'Indochine hier matin. J'ai rapporté des dahlias et du jasmin. J'y ai laissé ma jeunesse et ma moto. Je suis rentré d'Indochine. Sans alcool, vous me croyez ? We are the world. We are the children. We are the world. So let's bet on that. So let's start giving. C'est beau ça. avec une chanson comme ça, toute simple, tu peux gagner des millions. Des millions d'euros. Et après, tu peux te payer toutes les guitares que tu veux, tous les amplis, une belle maison, une belle piscine. Comme je peux pas écrire sur le mur, je vous souhaite une bonne soirée, les gars. Demain, je reprends le travail. Travail, argent, salaire, impôts, taxes d'habitation, taxes foncières, assurance, chômage, appel, sécurité sociale, anti sociale, sécurité sociale. Revoir. C'est pas bien celui qui a bloqué le mur, hein. Ça c'est pas bien de faire ça. Je sais pas qui c'est qui fait ça, mais c'est pas intelligent. Il y en a un qui bloque le mur. Je viens d'avoir la réponse de Jam. Jam tab dans le Jam Tabat, tu peux effacer le mur, donc je vais ça.